Rebonsoir Jean-Pierre Luminet. Bonsoir. On se retrouve pour la deuxième partie de votre nuit rêvée. C'est vous qui avez choisi les émissions que nous écoutons tout au long de la nuit. On est ensemble jusqu'à 7h du matin. Depuis le début de la nuit, on a écouté plusieurs émissions en lien avec votre métier, votre pratique principale. J'ai nommé l'astrophysique. On a ainsi pu écouter une émission sur l'histoire du Big Bang, une autre sur la relativité générale d'Einstein, mais on s'est aussi plongé dans l'une de vos autres passions, à savoir la poésie. On a écouté Jacques Reda parler de son recueil La physique amusante, et puis Raymond Queneau, qui en 1950 présentait son poème Petite cosmogonie portative. Mais dans le domaine des arts, vous n'êtes pas seulement poète et écrivain. Je crois que la première de vos passions dans ce champ-là, c'est la musique. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle place elle occupe dans votre vie? Une place absolument essentielle. Je pense que si mon histoire de jeunesse avait été légèrement différente, c'est-à-dire si j'avais été dans d'autres conditions, je serais plutôt devenu effectivement musicien professionnel, soit chef d'orchestre par exemple, ou soit compositeur. Voilà. Alors cela dit, pianiste. Vous pratiquez le piano, pianiste, si j'ai oui, bien oui. compris. Mais ça, c'est venu relativement tard. C'est-à-dire la musique, celle que je considère comme la vraie musique, a fait vraiment son apparition dans ma vie uniquement lorsque j'avais 13-14 ans, et ça a été pour moi un réel bouleversement. Sur mon blog, je raconte en particulier, donc un petit peu en quelques épisodes différents, qui s'appelle Piano aux étoiles, un petit peu mon parcours progressif dans cet univers extraordinaire qu'est la musique. Moi, je me souviens, donc, je ne connaissais rien de la musique classique jusqu'à l'âge de 12-13 ans, jusqu'à ce qu'un de mes instituteurs me donne à la fin d'un cours quelques vinyles. Et alors, c'était vraiment c'est un cinquième de Beethoven, la petite musique de nuit de Mozart, etc. Et je n'avais jamais entendu ça, et j'étais instantanément tétanisé. Alors que moi, à l'époque, j'écoutais aussi, comme mon frère et ma sœur aînée, j'écoutais les variétés de l'époque, hein. C'était Johnny Hallyday, Richard Anthony, Sheila, ce genre de choses. Et je suis resté absolument, mais cloué sur le sol de voir d'écouter cette musique. Et après, ben voilà, c'est devenu une véritable passion dont j'ai exploré un petit peu en autodidacte le répertoire en écoutant le plus de musique possible, etc. Après, en parallèle, j'avais eu la chance quand j'étais plus petit, on me mettait à l'école où j'étais, il y avait une garderie qui était en fait une école de musique, et donc j'ai appris le solfège en même temps que j'ai appris à lire, et donc j'avais cette chance extraordinaire, je peux lire une partition comme je lis un livre, donc ça c'est aussi une chance, voilà. Et finalement j'ai découvert le piano seulement à 13-14 ans, trop tard pour devenir virtuose du piano, mais c'est une passion que je pratique aujourd'hui. Il m'arrive même de donner deux fois des petits récitals avec des petits publics sélectionnés, voilà, où je manifeste cette passion pour la musique. Et puis j'ai rencontré évidemment des gens merveilleux. Vos admirations dans le domaine musical sont nombreuses, justement. On va parler des gens que vous avez rencontrés. L'un des premiers noms, toutefois, que vous m'avez cité, c'est celui de Thelonious Monk, dont on célèbre justement cette année le centenaire de la naissance. On écoutera tout à l'heure, en conclusion de la nuit, le troisième volet d'une série d'émissions que lui avaient consacré Gérard Tourtrol et Yvan Amar en 1989. Troisième volet consacré en particulier à son travail de compositeur. Comment est-ce que vous avez découvert la musique de Monk, Jean-Pierre? Je l'ai découverte un peu plus tardivement, puisque dans mes premiers émois musicaux, ça tournait autour de ce qu'on appelle la musique classique, la musique savante. Et en fait, je suis venu au jazz un petit peu plus tard, quelques années plus tard, essentiellement lorsque je suis venu à Paris pour faire ma thèse de doctorat. Je me suis inscrit pendant une année à une école de formation de musicien de jazz. Malheureusement, j'ai pas poursuivi parce que j'avais vraiment trop de choses à faire. Voilà. Mais là, j'étais vraiment en contact avec le jazz, parce que déjà, ce qui m'intéressait dans la musique de jazz, c'était le côté improvisateur. Parce qu'évidemment, c'est très beau. Je lis la musique, on met une partition de musique classique. Si c'est pas trop compliqué, là, si c'est pas du Boulez ou Giannakis, ça va. Vous commencez à faire à donner une idée de ce que ça peut donner au piano avant de travailler, etc. En revanche, le jazz, a priori, vous mettez juste une grille d'accords, mais même symbolisée par des lettres, tout ça. Et à partir de là, vous brodez à partir de thèmes, vous faites des choses extraordinaires. Donc ce côté improvisation, qui n'existe en principe pas trop dans la musique classique, même si on a quelques improvisateurs qui font des choses très belles sur des thèmes. Voilà, donc c'est cette liberté extraordinaire du musicien de jazz qui me fascine. Et la première fois que j'ai écouté Thelonious Monk, après avoir être passé par un petit peu les classiques, Louis Armstrong, Duke Ellington, etc., j'ai trouvé quelque chose qui est radicalement différent. d'une originalité extraordinaire. Et je trouvais ça tellement étonnant, la façon dont ça sonnait à l'oreille, que justement, avec la bonne oreille que j'avais, j'ai écouté des enregistrements de Thelonious Monk au piano seul, et j'ai décodé note à note, et j'en ai écrit les partitions pour savoir comment c'était fait. Je voulais savoir comment il était arrivé à sortir ces sons et ces rythmes tellement extravagants, et finalement, je m'attendais à des choses extrêmement complexes, et je me suis aperçu que c'était d'une simplicité, c'est ça qui est merveilleux, d'une géniale simplicité, juste quelques petits accords de septième avec justement une petite quinte augmentée par-ci par-là qui crée un climat sonore extrêmement étrange et qui crée plein de résonances. Et c'est comme ça que je suis évidemment devenu absolument fasciné par la musique de Thelonious Monk, pour moi le plus original des musiciens de jazz. Jean-Pierre Luminet, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'on entend actuellement ? Oui, ce battement fragile, incertain, mais très régulier, c'est le battement du cœur d'une étoile morte qu'on appelle un pulsar. À la fin de leur vie, le cœur des étoiles s'effondre. Certaines de ces étoiles fabriquent des objets fascinants qu'on appelle des étoiles à neutrons. Ils sont des boules extraordinairement compactes. C'est pas encore des trous noirs. Elles sont pas suffisamment massives pour être des trous noirs. Mais en elles-mêmes, elles sont elles-mêmes fascinantes. Donc elles virevoltent à une très très grande vitesse. Elles tourbillonnent sur elles-mêmes à très grande vitesse, un petit peu comme les patineurs qui resserrent leurs bras, accélèrent leur vitesse de rotation. Donc ces étoiles tournent très très vite, plusieurs dizaines de fois par seconde. Celle-là, 11 fois par seconde, celle que nous venons d'entendre là, en émettant un faisceau de rayonnement, en général dans le domaine radio, et qui tourne dans le ciel, un petit peu à la façon d'un phare. Et il se dit que si on n'entend pas quelque chose de continu, c'est le faisceau qui passe à chaque fois devant la ligne de visée d'un radiotélescope. C'est pas un vrai son que l'on entend. Ici, on entend un son, c'est juste une transposition sonore du signal radio qui est émis par la rotation régulière de ces pulsars. Alors, pourquoi on écoute ça? Ben, c'est parce que j'ai eu la chance extraordinaire de collaborer à une œuvre astronomique et musicale avec un très grand compositeur qui s'appelait Gérard Griset, qui était donc un disciple notamment de Messiaen, de Xenakis, qui s'opposait un petit peu au sérialisme intégral que voulait imposer, avec génie aussi d'ailleurs, Pierre Boulez, dans la musique contemporaine française. Il m'avait contacté à la toute fin des années 1989 parce qu'il avait écouté des enregistrements sur cassette de signaux comme ça, astronomiques, de pulsars. Il avait été fasciné par cette régularité métronomique et s'est dit, faisons-en quelque chose dans une œuvre musicale. Et donc il m'avait écrit, et moi qui connaissais déjà son nom, parce que je m'intéresse beaucoup à la musique contemporaine, j'ai été ravi évidemment d'être contacté par un très grand, que j'estimais être un très très grand compositeur, ce qu'il était réellement, et on a collaboré ensemble bon, pour construire cette œuvre qui aujourd'hui s'appelle donc La Noire de l'Étoile. Elle a été créée en 1991 à Bruxelles. C'est une œuvre écrite pour six percussionnistes. Oui. Humain. Au départ, c'était les percussionnistes de Strasbourg. Maintenant, beaucoup de groupes jouent ça. Et avec deux guest stars au sens propre du terme, deux étoiles invitées, qui sont en fait des pulsars. L'un d'entre eux est capté par bande magnétique. C'est celui que nous venons d'entendre. C'est un pulsar qui s'appelle le Vela, qui est dans l'hémisphère sud. Il tourne 11 fois par seconde. Le résidu d'une étoile qui a explosé il y a 30 000 ans et qui tourne encore 11 fois par seconde sur elle-même et émet ce signal incroyablement régulier et émouvant. Et un autre, alors là c'était lors de la création, ça faisait partie de notre projet, lier le temps des hommes et le temps des astres, qui en principe sont incommensurables, par un pulsar que l'on pouvait capter au moment même du concert, parce qu'il passait dans la fenêtre d'observation du grand radiotélescope français qui est à Nancy. Et donc c'est le passage qui durait une demi-heure du radiotélescope qui fixait la date du concert et le début précis, parce que les signaux acheminés par ligne téléphonique dans la salle de concert devaient arriver à un moment très précis de la partition. À une ou deux secondes près, les musiciens s'arrêtent de jouer et on entend le signal venu de 7000 années-lumière, donc qui avait mis 7000 ans pour venir, mais qui arrive à la seconde même, à l'heure juste, dans la salle de concert. Et donc, voilà, cette collaboration pour moi était magnifique. Gérard Griset est devenu un ami très très proche. Malheureusement, il est décédé prématurément, mais ça a été pour moi une grande aventure. Cette œuvre d'ailleurs fait partie aujourd'hui du grand répertoire de la musique pour percussion. Et finalement, ça a initié un grand nombre de collaborations que je poursuis maintenant avec d'autres compositeurs de musique contemporaine. Et je dois dire qu'aujourd'hui, c'est l'une des parties les plus précieuses de mes activités. Vous allez, je crois, où vous travaillez en ce moment à la création d'une œuvre avec le compositeur catalan Héctor Parra. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire... J'ai plusieurs compositeurs, mais notamment avec Héctor Parra, jeune compositeur catalan que j'admire beaucoup, qui déjà avait écrit en 2011 une partition qui s'appelait « Caressant l'horizon ». Ça veut dire frôler l'horizon d'un trou noir, parce qu'il est fasciné par les phénomènes astrophysiques, et qui était en partie fondé dans sa structure, en tout cas, sur la lecture de mon livre, Le dessin de l'univers, Trou noir, énergie sombre. Puis après, donc, on s'est rencontrés à cette époque-là, on a immédiatement, effectivement, sympathisé, accroché, on avait vraiment des conceptions très très proches, à la fois sur, dans nos goûts musicaux et évidemment notre passion pour l'astrophysique. Et donc, il m'a proposé, effectivement, d'écrire une grande œuvre orchestrale, qu'il a appelée Inscape, qui va être créée, donc maintenant, elle est écrite sur un scénario que nous avons conçu ensemble. Alors le scénario, c'est un scénario scientifique, il vaut ce qu'il vaut. On voyage dans l'espace, on plonge dans un trou noir, on passe à travers un trou de ver, on ressort ailleurs, on débouche dans des univers extravagants, avec une pulvérisation de l'espace sous forme d'atomes d'espace et d'atomes de temps. Des sortes d'hologrammes sonores également, illustrant certains développements de la physique contemporaine, notamment de la théorie des cordes. Et tout ça, donc, adapté, transformé par Héctor Parra en une œuvre orchestrale, avec une maîtrise qu'il a extraordinaire de la musique orchestrale, et l'œuvre va être créée, donc, d'abord à Barcelone, à la fin du printemps de l'année qui vient, et puis dont la création parisienne aura lieu au mois de juin, le 14 juin à Paris. On prend date. Ce sera pour moi un grand moment. Autre émission que nous allons pouvoir écouter dans la deuxième partie de votre nuit rêvée, c'est une émission qui s'appelle La querelle de l'héliocentrisme et dans laquelle Michel Cazenave avait en 1998 raconté cette extraordinaire révolution scientifique qui, à la Renaissance, transforme complètement la représentation de l'univers en détrônant notamment la Terre de la position centrale qu'elle occupait jusque-là au profit du Soleil. Cette émission, Jean-Pierre Luminet, on l'a choisie parce qu'elle fait écho à l'une de vos passions, l'une des cordes de votre arc. Je veux parler de la série de romans d'inspiration historique que vous avez consacrée à ces grands scientifiques que sont Copernic, Tycho Brahe, Kepler, Galilée et Newton notamment. Série que vous avez intitulée joliment « Les bâtisseurs du ciel » et dans laquelle vous racontez sous une forme romanesque la vie et l'œuvre de ces grands savants. Comment est-ce que vous est venue l'idée, l'envie de vous lancer dans cette aventure romanesque ? Oui, alors raconter l'histoire des sciences en roman, oui, c'est un projet qui m'est venu à la fin des années 90, mais j'avais commencé à m'intéresser à l'histoire des sciences quelques années auparavant, notamment à travers la lecture. Je me souviens, il y avait toujours des livres déclencheurs finalement pour des passions. J'avais lu Les Somnambules de Kepler, de Arthur Koestler, excusez-moi. Le lapsus est significatif parce que en fait, voilà, le personnage phare du livre de Koestler, c'est Kepler, qui est devenu effectivement depuis, après, un petit peu mon savant fétiche. La personnalité la plus attachante que j'ai rencontrée dans toute l'histoire des sciences, et j'y ai consacré, parmi effectivement mes romans scientifiques, j'y ai consacré effectivement deux romans, tellement que ce personnage est très attachant. Et d'ailleurs, il est bien mis en exergue, je trouve, dans l'émission que j'ai réécoutée, là, qui raconte un petit peu l'accouchement de l'héliocentrisme à partir de Copernic, mais ça suffisait pas à Copernic, il fallait après que ce soit poursuivi par les observations de Tycho Brahe, puis leur interprétation par Kepler, la lunette de Galilée, et couronné le tout par Newton. Donc l'émission, elle est fort bien faite, même si elle occulte un épisode. Elle est essentiellement centrée sur évidemment l'astronomie occidentale. Elle occulte effectivement une partie importante de l'astronomie qui fait le pont entre l'astronomie des savants grecs, Alexandrie, et puis l'astronomie copernicienne, qui est évidemment l'astronomie dans le monde arabo-musulman. Donc tout ça pour dire que, effectivement, après avoir commencé à m'intéresser profondément sur vraiment l'histoire des sciences, parce que l'histoire des sciences qui m'intéresse, c'est l'histoire des hommes qui font la science. Et l'histoire des hommes, c'est pas uniquement l'histoire de leurs idées, mais comment ils ont vécu. Oui, parce que dans vos romans, parce que ce sont vraiment, des héros de l'humanité, d'ailleurs. En général, on ne sait rien, sinon simplement on connaît les lois de Kepler, machin, la formule de Newton, le truc de Galilée, l'aberration de Galilée. Mais comment ils ont vécu. Et ça, ce qui m'intéressait dans ce projet romanesque, c'est près de raconter cela. Je me souviens d'une phrase dans les Mille et Une Nuits. Il y a Sherazade qui dit, je crois que c'est la 849e nuit, elle dit « Mais les savants, monseigneur, et les astronomes en particulier, ne suivent pas les usages de tout le monde, c'est pourquoi les aventures qui leur arrivent ne sont pas les aventures de tout le monde. » Et c'est tellement vrai. Tous ces grands noms de l'astronomie et d'autres beaucoup moins connus qui ont forgé progressivement notre vision du monde, ils ont eu des vies absolument extraordinaires et pas seulement à travers les idées, mais parce que ce sont quoi? Ils étaient en opposition, en conflit tout le temps avec les autorités intellectuelles, les autorités religieuses, les autorités politiques de leur temps. Donc ils ont été des précurseurs, ils ont été des inventeurs, ils ont pris des risques, ils ont été des inspirateurs, ils ont été des agitateurs de la pensée à des degrés divers. Il y en a qui étaient plus ou moins courageux. Mais ce sont des hommes dont les vies, réellement, c'est un sujet en or pour le roman. Alors donc, j'ai commencé à me lancer dans les romans avant Les Bâtisseurs du Ciel. Le tout premier roman que j'ai publié, c'était en 1999, ça s'appelait Les Rendez-vous de Vénus. Ça se passait au siècle des Lumières. C'était un récit de certaines expéditions scientifiques, mais agrémentées d'aventures extraordinaires. On est en pleine guerre entre les Français, les Anglais, les Hollandais, pour conquérir les mers, pour fonder les colonies, pour observer le passage de Vénus devant le disque du Soleil, c'est-à-dire un événement astronomique relativement rare, mais qui permettait pour la première fois de mesurer la distance de la Terre au Soleil. Je pensais m'arrêter là, simplement, et puis le livre a relativement bien marché pour un premier roman, et mon éditeur, aux éditions Jean-Claude Lattès, m'a dit « ce serait bien de continuer ». Et il se trouve que j'avais dans mes tiroirs tout un ensemble d'esquisses, de synopsis, parce que précédemment, j'avais un petit peu travaillé avec le célèbre producteur et réalisateur Jacques Perrin, qui est passionné par ces histoires-là, et il avait eu l'idée, qui malheureusement n'a jamais abouti, de faire une grande série pour la télévision racontant précisément la vie sous forme de docu-fiction de ces personnages-là, et j'avais donc écrit une série de scénarios. Finalement, ça ne s'est pas fait, mais j'ai ressorti ces scénarios-là et je les ai développés en roman. Donc après, il y a eu le bâton d'Euclide qui racontait l'histoire de la naissance de la science en Grèce, essentiellement autour de la bibliothèque d'Alexandrie. Après, je suis effectivement passé, toujours sur l'incitation réitérée de mon éditeur, qui dit « il faut en écrire un autre », ce qui a priori n'était pas du tout dans mes intentions, tellement qu'il y a des choses à faire, à la série des Bâtisseurs du Ciel, que vous mentionnez, 4 romans, dans Copernic, Tycho Kepler, Kepler-Galilée et Newton. Voilà, ça en était à 6. Et puis plus récemment, je me suis dit, il y a un trou qui manque. Il y a un trou à combler, c'est précisément l'épisode de l'astronomie arabo-musulmane qui a repris le flambeau de l'astronomie grecque qui était oublié en Occident. Et j'ai raconté, donc, dans Ulugh Beg, l'astronome de Samarcande, cette histoire parfaitement authentique, mais ignorée pratiquement de tous, extraordinaire, de ce prince héritier, petit-fils de Tamerlan, qui gouverne Samarcande, qui gouverne un immense empire, et qui va consacrer sa vie à observer les étoiles plutôt qu'à gouverner son pays, et finira par être décapité pour précisément avoir préféré les étoiles à la guerre. Est-ce que la série est finie ou est-ce qu'on pourra voir d'autres volumes apparaître? Est-ce que vous avez déjà l'idée d'un suivant? Bon, j'ai un grand plaisir de l'écriture, même si parfois, devant la page blanche, on se sent pas toujours très bien. Je pense quand même pour cette série romanesque, je pense que je vais m'arrêter là, puisque ça fait 7, ça fait un nombre assez considérable. Et si je reviens au roman, je le ferai probablement, ce sera sur de tout autre sujet. Parmi les personnalités dont vous aviez envie qu'elles soient présentes dans cette nuit, figurait Jean-Claude Carrière, l'écrivain, le scénariste, le conteur. Jean-Claude Carrière, vous m'aviez parlé notamment du livre de conversation qu'il avait publié il y a un peu plus de 30 ans maintenant, avec les astrophysiciens Jean Audouze et Michel Cassé, qui s'appelait « Conversation sur l'invisible ». Oui. C'est un titre qui fait assez écho à vos travaux également, qui fut un grand succès de librairie à l'époque, à l'occasion de la republication de ce livre et de la parution d'une sorte de prolongement, une conversation avec Jean Audouze seul cette fois, qui s'appelait « Regard sur le visible ». Jean-Claude Carrière était l'invité d'André Velter en 1996 dans Agora. On l'entendra dans cette émission raconter ce projet étonnant. Jean Audouze, Michel Cassé et Jean-Claude Carrière se sont d'ailleurs retrouvés tout récemment pour une nouvelle série d'échange qui a été publié sous le titre du Nouveau dans l'invisible. Pourquoi est-ce que ce premier livre, Conversation sur l'invisible, vous avait frappé et pourquoi est-ce que vous vouliez qu'on écoute? D'abord, il avait été fait avec 3 personnes que je connaissais bien. D'abord, 2 professionnels, hein, Michel Cassé et Jean Audouze, dont j'étais très proche et très ami. Et puis Jean-Claude Carrière, que je voyais venir régulièrement justement travailler avec Michel Cassé et Jean Audouze à l'Institut d'Astrophysique de Paris, où j'avais aussi un petit peu quelques entrées, même si j'étais essentiellement rattaché à l'Observatoire de Paris. Et finalement, c'était exactement à la même époque où moi, j'étais en train d'écrire mon premier bouquin de vulgarisation sur les trous noirs en 1987. Et donc, je croisais régulièrement Jean-Claude Carrière, dont j'aimais beaucoup, évidemment, là, sa façon tellement, tellement douce de parler avec sa belle voix et de façon si claire. Voilà. Et donc, voilà, cet ouvrage m'avait intéressé parce que c'était une époque où l'Institut d'astrophysique de Paris, qui était dirigé justement par Jean Audouze, qui avait beaucoup de, effectivement, d'ouverture sur le monde extra-scientifique, faisait venir régulièrement, une fois par mois, un poète, un homme de lettres, un scénariste, un écrivain, un musicien, pour parler de son rapport précisément aux sciences de l'univers. C'est toujours très très enrichissant, et c'était des rencontres qui étaient très très très très belles et qui correspondaient tellement, évidemment, à mon goût de l'interdisciplinarité. Voilà, donc après, voilà, j'ai connu Jean-Claude Carrière, je l'aimais beaucoup, il m'a fait l'honneur de préfacer l'un de mes recueils de poèmes, notamment, en faisant également de jolis petits dessins. Mais finalement, avec le recul, on s'aperçoit que finalement, à l'époque où ils ont publié ce premier ouvrage, Conversation sur l'invisible, on commençait à peine à parler et à réaliser l'importance de l'invisible. Or, ce n'est que depuis cette époque-là qu'on a découvert qu'effectivement, et ça c'est la cosmologie moderne, que 99% de la matière et de l'énergie dans l'univers ne sont pas sous forme visible électromagnétique. On a de la matière noire, on a de l'énergie sombre, c'est l'un des plus grands questionnements scientifiques d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la matière noire? D'où vient l'énergie sombre? Est-ce que c'est l'énergie du vide quantique dont parle Michel Cassé également dans certains de ses ouvrages-là? Est-ce que ce sont encore des forces inconnues? Et donc, effectivement, ça rejoignait finalement les intuitions que moi j'avais eues dans mon enfance en regardant le ciel et le noir. Qu'est-ce que c'est ce noir? Est-ce que c'est le vide? Ou est-ce qu'au contraire c'est peuplé de toutes les potentialités du monde? Et aujourd'hui, justement, des théories nouvelles qui vont au-delà de la relativité générale, qu'on appelle les théories de gravitation quantique sur lesquelles je suis en train de travailler maintenant, font des propositions tout à fait stupéfiantes. Par exemple, qu'effectivement, c'est le vide. Mais le vide décrit par la physique quantique, qui est potentiellement générateur de toutes les choses. Et quand je dis toutes les choses, il pourrait être non seulement générateur de notre univers, donc on remplace, si vous voulez, le Big Bang comme une explosion, un grand bout primordial à partir d'un point, qui évidemment, une extrapolation et une absurdité physique, hein, l'univers initial ne peut pas être un petit point infiniment petit dont tout sort, on remplace ce concept-là en agrémentant la relativité générale par les lois de la physique quantique, et on peut le remplacer, par exemple, par cette notion de vide plein d'énergie. Le vide quantique est bourré d'énergie et cette énergie fluctue un petit peu comme à la surface d'un océan turbulent. Et on peut imaginer, et on l'a fait dans certains scénarios de cosmogénèse quantique, que l'univers est né d'une fluctuation de l'énergie du vide quantique. Un petit peu comme si vous aviez une goutte d'écume qui se détache d'un océan et qui va engendrer une bulle d'univers. Et ça va tellement loin, ce genre de théorie, même si on n'a aucune garantie qu'elles sont bonnes. On les explore, hein, c'est fascinant. On ne sait pas si elles sont bonnes, mais c'est fascinant. Parce que, du coup, l'écume qui bouillonne, elle ne produit pas une seule goutte d'écume. Elle en produit une grande quantité. Et on a des théories aujourd'hui qui s'appellent les théories du multivers, qui disent qu'en fait, chaque goutte de l'écume, c'est un univers en soi. Et notre écume, notre univers à nous, ce n'est qu'une goutte née un petit peu par le hasard des choses, d'une fluctuation d'énergie du vide quantique, étant entendu que beaucoup d'autres univers se sont formés, se forment encore aujourd'hui même et se formeront demain. Et ça, justement, l'un de mes nombreux projets littéraires encore en cours, c'est justement une sorte de recueil, d'analyse un petit peu épistémologique, de prise de recul sur toutes les approches actuelles de ces théories de gravité quantique, faisant appel soit à des multivers, des dimensions supplémentaires, qu'est-ce que c'est que le vide, etc. Le rôle, c'est quelque chose de difficile, mais d'absolument fascinant, et qui est fondé aussi en partie, on revient à la poésie inéluctablement, sur une phrase merveilleuse qu'a écrite Paul Valéry, pour laquelle j'ai une immense admiration, évidemment. Paul Valéry a écrit « Les événements sont l'écume des choses, mais moi, c'est la mer qui m'intéresse. » C'est exactement ce que fait le physicien théoricien. Une autre émission, Jean-Pierre Luminet, qu'on pourra entendre cette nuit, c'est une émission dans laquelle on entend une lecture de textes de Vincent Van Gogh à son frère Théo. On entend des lettres, Van Gogh a écrit tout au long de sa vie des lettres à son frère. Là, on écoutera les lettres qu'il lui a écrites vers la fin de sa vie, autour des années 1889, lorsqu'il était notamment interné à Saint-Rémy-de-Provence. On a choisi cette émission parce que vous souhaitiez qu'on évoque votre amour pour l'un des tableaux les plus célèbres de Van Gogh, l'un de la série des Nuits étoilées, une toile qui est conservée aujourd'hui au MoMA. Pourquoi est-ce que vous aimez tout particulièrement ce tableau-là, Jean-Pierre Luminet ? Oui, alors, très généralement, c'est mon amour absolu pour la peinture, puisque donc je baigne constamment dans l'esthétique, et donc pour moi, je rate pas une occasion d'aller visiter tous les musées, surtout que lorsque je vais en voyage un petit peu à l'étranger dans tous les pays, je rate pas évidemment l'occasion d'aller dans les musées. Alors maintenant, effectivement, de la même façon que je m'étais aussi intéressé au rapport entre la poésie et l'astronomie à travers cet ouvrage, La Scientologie, le poète et l'univers, je m'intéresse également depuis de très nombreuses années, même si j'ai pas encore écrit de livre dessus, sur les rapports finalement entre les peintres et l'univers, c'est-à-dire comment, au cours de l'histoire, l'évolution des idées sur l'univers, les peintres ont pu exprimer leurs propres sentiments sur l'univers. Alors, il y a plein d'exemples déjà extraordinaires, hein. Par exemple, si vous regardez la nativité que Giotto a peinte, la fameuse fresque de la nativité, où on voit l'étoile de Bethléem qui a la forme d'une comète, on sait aujourd'hui, en déchiffrant ce tableau, qu'effectivement, du vivant de Giotto, une grande comète, qu'on appellerait plus tard la comète de Halley, était passée, effectivement, dans les cieux de l'Europe, et ce qu'il a représenté, c'est exactement la vision que l'on peut avoir de la comète de Halley avec l'étoile chevelue. Également, il y a un tableau de Dürer tout à fait extraordinaire qu'on a mis longtemps à découvrir parce qu'il l'avait réutilisé en faisant un autre tableau dessus, puis en le grattant on a vu qu'il y avait quelque chose. Il avait assisté tout jeune en direct à la chute d'une grande météorite qui était tombée en Alsace, c'était en 1492, et donc il y a un tableau aujourd'hui qu'on a redécouvert en grattant ce qu'il y avait dessus, un travail extraordinaire, une sorte de ciel complètement noir, une sorte de météore rouge qui troue le ciel, c'est le météore de Dürer. Voilà. Et donc, on a plein d'exemples comme ça au cours de l'histoire. Et donc, Van Gogh, qui est évidemment les artistes les plus extraordinaires, les plus incompris de tout son temps, il est connu pour les Nuits étoilées, il m'était particulièrement sensible, puisque, évidemment, il vient de Nord, il découvre la Provence et il décrit avec émerveillement la clarté des cieux provençaux, la même émotion que moi j'avais, avec sa vision extraordinaire, il voyait les couleurs des étoiles, donc il écrit tout ça à son frère Théo, et on sait qu'il y a donc plusieurs de ses tableaux, on y voit des nuits étoilées. Et en particulier cette fameuse nuit étoilée donc au-dessus de Saint-Rémy de Provence, après le fameux épisode de l'oreille coupée, avec les conflits qu'il avait eu avec Gauguin à Arles, il s'est retrouvé près de Saint-Rémy de Provence, de cet asile Saint-Paul de Mozol, où je suis retourné récemment visiter cet endroit très très émouvant. Et donc il peint ce tableau et il l'écrit dans une lettre à son frère Théo. Je ne pense pas qu'elle fasse partie de l'émission là. Non, il écrit brièvement, c'est une lettre qui date du 19 juin 1889, il lui dit brièvement « J'ai terminé la nuit étoilée ». Alors à partir de là, moi je trouvais ce tableau tellement extraordinaire, parce que donc on y voit un paysage de nuit avec un petit clocher, un cyprès, etc. Puis on voit un ciel complètement fou, a priori un ciel fou. C'est-à-dire on voit un énorme croissant de lune, on voit un astre absolument gigantesque au-dessus de l'horizon, on voit une vague lueur blanchâtre au-dessus des montagnes, un petit peu comme si c'était l'aube, avec le croissant de lune qui suggère qu'effectivement le soleil est prêt à apparaître, on est juste avant l'aube. On voit quelques étoiles, avec des tailles exacerbées évidemment par rapport aux tailles normales des étoiles, et puis au centre on voit une gigantesque spirale tourbillonnante comme Van Gogh. Alors, interpellé là-dessus, je me dis, alors sur Van Gogh, on dit que bon, il était à l'asile, il a un petit peu perdu les esprits, ce qui représente n'importe quoi dans le ciel, où est-ce qu'il fait preuve d'un certain réalisme de position? Donc j'utilise un logiciel de reconstitution astronomique. Partant en arrière à partir de la date de 19 juin, je me suis dit, comme il peignait beaucoup, il a dû mettre 15 jours ou 2 semaines. Donc j'ai recherché dans les jours qui précédaient et j'ai trouvé une configuration, mais très précise, qui est le 25 mai 1889 à 4h40 du matin, à 5 minutes près. Je peux dire que c'est à ce moment-là que Van Gogh, dont on sait qu'il sortait la nuit avec un chapeau de paille, avec des bougies autour pour voir sa feuille de papier, il a positionné ce qu'il a vu dans le ciel. Et c'est exactement le croissant de lune à la bonne position, le gros astre au-dessus de l'horizon, c'est Vénus, et la grande spirale tourbillonnante, et c'est ça le plus étonnant, c'est un objet qui est invisible à l'œil nu, c'est une galaxie spirale que l'on voit de face quand on prend des photographies. Alors je ne suis pas en train de vous dire que Van Gogh avait une vue télescopique, je suis en train de vous dire que Van Gogh était passionné d'astronomie, il était abonné à la revue de vulgarisation de Camille Flammarion, d'astronomie populaire. Il avait vu les premières photographies que l'on commençait à prendre à l'époque des galaxies spirales, et il s'est dit, je vais la mettre dans mon tableau, pour montrer quelque part que l'œil du peintre, il va plus. Tout ça, il ne l'a pas écrit, c'est moi qui interpole sa pensée. C'est vous qui nous livrez cette interprétation du tableau. Le peintre doit aussi montrer l'invisible, mais l'invisible, il est bien là. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'endroit où il a mis cette spirale tourbillonnante dans son tableau, c'est exactement l'endroit où il y a une galaxie spirale vue de face, qui s'appelle le Messier 74. On ne pourra plus regarder ce tableau de la même façon après cette explication, Jean-Pierre Luminet. Dans la deuxième partie de cette nuit, nous aurons donc le plaisir d'entendre d'abord une émission sur la querelle de l'héliocentrisme, proposée par Michel Cazenave en 1998. Puis nous écouterons Jean-Claude Carrière au micro d'André Velter, c'était en 1996 pour Agora, une lecture des lettres de Van Gogh à son frère Théo, proposée par Jean-Gabriel Nordman en 1987. Et enfin, le dernier volet de la série que Gérard Tourtrol et Yvan Amar avaient consacré à Thelonious Monk pour Le rythme et la raison, c'était en 1989. Quant à nous, Jean-Pierre Luminet, on se retrouvera tout à l'heure au petit matin pour conclure cette nuit.